le temps, le doux visage des gens. Changer des pieds pour même Monica. Le cœur meurtri, tous ignorants, je crie. Ma douleur les fait fuir. C'est Mundala, c'est pour Dieu. Et lorsque mes soucis se manifestent, je voudrais bien que l'on me relève. Je ne dois compter que sur moi-même. Madame Ali malade, criez voisinage. Personne pas carré, personne pas carré. Pendant la nuit, Madame Ali malade, criez voisinage. Personne pas carré. Sous club, hey. C'est moi plus toi, on brûle le monde. Moi sur toi, tes larmes inondent. C'est moi plus toi. Dans ces soirées zouk où les sexes pompent, miner le terrain. Nous on terminait en se croissant les reins. Laisse les jacter, c'est rien, ils disent boss. Fais la girouette, il aime les pirouettes, les gros bonnets, le gloss. C'est ta silhouette qui blesse mes hormones. Laisse Léon dire ce que la rue marmonne. Plus qu'un truc de boule, je veux marmot et tout le reste. Pour toi, je roule, tu donnes ce que je suis. Moi, mon art et tout le reste. Essuie tes larmes, oublie le bruit que tous les rages font. Toi, quand tu cries dans la nuit, y'a que le silence qui répond. Madame Ali malade, criez voisinage. Personne pas carré. Pendant la nuit, Madame Ali malade, criez.